le retour de la jeune flore rend ainsi tous les cœurs contents. Faut-il que séparer de l'objet que j'adore, je souffre seul les plus cruels tourments. Pour calmer mon impatience, en vain j'ai parcouru ces vallons et forêts contre les peines de l'absence. Beau lieu, que servent vos attraits? Mais je l'avoue, Phyllis, qu'elle est belle, serait-ce de mes yeux une flatteuse erreur? Je la reconnais au transport de mon cœur.